L'opinion publique se déclara franchement pour le leurre écossais. Et tous les journaux, à l'exception des, entre guillemets, organes du gouvernement, blâmèrent unanimement la conduite des commissaires de l'amirauté dans cette affaire. Le 24 août, Glenarvan, Lady Helena, le major Manhattan, Mary Robert Grant, Monsieur Olbinett, le steward du yacht, et sa femme Madame Olbinett, attachée au service de Lady Glenarvan, quittèrent Malcolm Castle, après avoir reçu les touchants adieux des serviteurs de la famille. Quelques heures plus tard, ils étaient installés à bord. Les appartements de Lord Glenarvan et de sa femme occupaient dans la dunette tout l'arrière du Duncan. Ils se composaient de deux chambres à coucher, d'un salon et de deux cabines de toilette. Puis, il y avait un carré commun, entouré de six cabines, dont cinq étaient occupées par Mary et Robert Grant, Monsieur et Madame Olbinett et le Major Manhattan. Quant aux cabines de John Mangles et de Tom Austin, elles se trouvaient situées en retour et s'ouvraient sur le tillac. L'équipage était logé dans l'entrepont et fort à son aise, car le yacht n'emportait d'autre cargaison que son charbon, ses vivres et des armes. Le Duncan devait partir dès la nuit du 24 au 25 août, à la marée descendante de 3 heures du matin. À 8 heures du soir, Lord Glenarvan et ses hôtes, l'équipage entier, abandonnèrent le yacht et se rendirent à Saint-Mungo, la vieille cathédrale de Glasgow. Là, le révérend Morton implora les bénédictions du ciel et mit l'expédition sous la garde de la Providence. À 11 heures, chacun était rentré à bord. John Mangles et l'équipage s'occupaient des derniers préparatifs. À minuit, les feux furent allumés. Le capitaine donna l'ordre de les pousser activement. À 2 heures, le Duncan commença à frémir sous la trépidation de ses chaudières. La vapeur réchauffée siffla par les soupapes. Il n'avait plus qu'à partir. Le Duncan lança dans les airs de vigoureux coups de sifflet, largua ses amarres et se dégagea des navires environnants. Une heure après, le Duncan rasa les rochers de Dunbarton. 2 heures plus tard, il était dans le golfe de la Clyde. À 6 heures du matin, il voguait en plein océan.